Chapitre 15. Pépin attendait ses amis avec impatience. Dès qu'ils furent introduits dans le salon, il les rejoignit et leur serra la main avec effusion, comme on fait avec ses témoins à la dérobée sur le terrain avant le duel. Quelques minutes s'écoulèrent, Sylvia entra, et ils demeurèrent stupéfaits et charmés. Madame Pomme avait disparu à jamais. Sylvie était rose et ses yeux brillaient d'une flamme qui ne paraissait pas allumée par la colère. Mais surtout, et pour la première fois, elle avait quitté le noir. Enfant freluché dans une robe mauve, vaporeuse, sa fraîche beauté blonde s'épanouissait délicieusement. Le corsage ouvert, échancré assez bas, offrait à l'œil de l'observateur la vision liliale esquissée à point de deux seins qui faisaient plus que promettre, en ce sens qu'ils paraissaient très bien tenir. À cette apparition radieuse, le thermomètre Louis XV qui flanquait la glace de la cheminée monta brusquement d'un degré ré au mur, indiquant ainsi sous une forme scientifique l'état d'âme des trois amis. Sylvie avait tendu ses deux mains potelées à ses convives dans un élan d'une grâce exquise et présenté son front aux lèvres de son mari comme un bébé câlin qui quête une caresse. Celui-ci, épouvanté et ravi, retrouvait au crépuscule le parfum dont il s'était grisé à l'aube. Elle prit le bras du docteur pour passer dans la salle à manger. L'empereur suivait, et derrière lui Pépin, qui se cogna plusieurs fois au meuble avant d'arriver à sa place. Instinctivement, tous trois jetèrent les yeux sur le buste d'Élisabeth. Le buste regardait devant lui, suivant son habitude, avec un air tranquille, peut-être indifférent, peut-être philosophe, peut-être même favorable. Les morts seuls, sachant réellement ce que c'est que la vie. La bonne humeur de Sylvie rassura bientôt le docteur et le capitaine sur les suites de l'acte qui provoquait en la conscience de leur ami un si touchant repentir. Chacun supporte les cataclysmes suivant sa nature. Sylvie avait le viol gay, évidemment. Cette découverte enchanta les deux invités. Si la charmante blonde prenait ainsi un attentat marital, elle devait goûter bien mieux encore la possession raffinée et non banale, parmi les armes fulgurantes ou les merveilles scientifiques, d'amants distingués qui avaient fait leur preuve. Simplement aimable au début, l'empereur et Milvaux ne tardèrent pas à devenir étincelants. Sylvie, elle aussi, se révéla sous un nouveau jour, originale avec mesure, honnêtement coquette d'une grâce onduleuse et épanouie, comme une tourterelle qui, ayant gémi longtemps de sa solitude dans une cage, s'est réveillée un matin bec à bec avec un tourtereau entreprenant et roucouleur. Hélas, pour l'instant, le tourtereau Pépin était morne et muet le bec qui, 12 heures auparavant, avait su si victorieusement s'exprimer ou plutôt s'escrimer. Pris entre la colombière et la tourterelle d'aujourd'hui, il offrait la mine d'un bien triste oiseau. « Elle est très forte, » se disait-il. « Il est impossible qu'elle m'ait pardonné ma trahison et surtout la sienne. Quel châtiment me réserve cette sérénité affectée et que va-t-elle faire quand nous serons seuls ?» C'est ainsi qu'excellent à se tourmenter les âmes coupables, et l'on sait que les criminels non encore endurcis vivent des nuits peuplées de fantômes. Sylvie, un peu inquiète, d'un mutisme qu'elle avait d'abord attribué à un de ces bonheurs intérieurs qui envahissent tout notre être et qu'on savoure les yeux fermés pour ne rien perdre de ses souvenirs, s'empressa autour de lui, multipliant les attentions, l'enveloppant de mille soins délicats qui portèrent au comble son épouvante. Quand elle se penchait si suavement exquise, il ne pouvait tenir ses yeux qui, malgré lui, plongeaient dans des profondeurs nacrées. On ne lutte pas contre le vertige et le malheureux se sentait glisser lentement, invinciblement, vers l'abîme où roulent les renégats et les parjures. C'était atrocement délicieux, misérable et divin. Milvaux et l'empereur, eux, jouaient aux échecs d'une furieuse partie. Le moment était passé des hésitations louches et des fautes semi-volontaires. Attentifs et congestionnés, chacun d'eux tenant à gagner, ils se prenaient éperdument leurs pièces. À droite et à gauche, gisaient pêle-mêle, hécatombes jaunes et noires, les pions, les cavaliers et les fous. Les tours seules résistaient encore. Enfin, l'empereur d'une voix rauque annonça « à la dame !» et fit main basse sur la reine au coup suivant. C'était la déroute pour Milvaux, et la victoire, comme il est normal, resta l'homme de guerre. À lui l'honneur de tenter, premier, l'éblouissante conquête. « J'ai joué comme un anchois, » déclare avec amertume le docteur, qui, ainsi que tous les joueurs passionnés, préférait s'accuser et ne pas admettre la supériorité de l'adversaire. À vrai dire, il était un peu jaloux, et lorsqu'il vit quelques minutes après l'empereur entrer en fonction, et suivant une méthode qu'il jugeait infaillible, oublier sa main ouverte sur une chaise où Sylvie allait s'asseoir, il ne put dissimuler un mouvement d'humeur bien naturel. Sylvie s'est élevée brusquement, les joues en feu, et elle trouvait sans doute que c'était beaucoup d'attaques dans une seule journée. Mais, en femme du monde, très correcte, elle resta impassible. Milvaux vint à son secours, ne fût-ce que pour taquiner son camarade. « Il est tard, dit-il, et nos amis sont fatigués. » Ils se disposèrent à se retirer. Alors Pépin prétexta une migraine terrible et manifesta l'intention de les reconduire jusque chez eux pour prendre l'air. Les lèvres de Sylvie s'allongèrent en une moue gentille. « Vous allez rester longtemps ? » lui dit-elle. « Non, non. Alors je vous le permets. Vous reviendrez me dire bonsoir. Je vous attends. Oui, oui. » Quand ils furent dans la rue, l'empereur et Milvaux s'écrièrent ensemble. « Eh bien, tu es rassuré ? Ça s'est passé admirablement. »« Ah, vous croyez cela, vous autres ?» répondit Pépin. « Vous n'avez pas remarqué avec quelle allure féline elle s'est occupée de moi toute la soirée. Pardieu, si, nous l'avons remarqué. » Il tournait autour de toi comme une chatte amoureuse, dit plutôt comme une chatte qui joue avec une souris. Oh, mon vieux, tu sais, comme petite souris, tu es un peu marqué, un vieux rat, oui. Et vous prétendez connaître les femmes, vous me faites de la peine, et toi tu nous fais rire. Mais vous ne savez donc pas ce que c'est que Madame Pomme, l'honneur, la rigidité même, elle doit méditer une vengeance atroce. D'abord tu nous embêtes avec Madame Pomme, laisse Madame Pomme tranquille, il n'y a plus que Sylvie, pour toi comme pour nous, et je te garantis, moi, que cette Sylvie-là est une petite femme reconnaissante qui a enterré son Achille à jamais. Tu n'as donc pas entendu qu'il m'a enjoint de revenir lui dire bonsoir, c'est effrayant. Je ne trouve pas. Jamais je n'oserais affronter son ressentiment, j'ai peur. Mes pauvres amis, je suis un homme bien à plaindre, conseillez-moi. Toi, le premier, capitaine. Soit, tu vas rentrer chez toi, arborer un déshabillé galant, faire toc-toc à la porte, pénétrer dans sa chambre sans attendre qu'elle réponde oui ou non, et recommencer la petite scène de ce matin, si tu peux. Et toi, docteur ? Exactement de l'avis de l'honorable préopinant. Ils étaient arrivés devant la maison de l'empereur. Celui-ci les quitta. Ils continuèrent leur chemin. « Voyons, reprit l'infortuné. Milvaux, tu n'es pas un traîneur de sabre. Toi, tu as disséqué des âmes et des corps, tu me comprendras mieux. Je suis peut-être un imbécile très candide, mais je le respecte des serments. Je n'ai jamais trompé ma pauvre Élisabeth de son vivant parce que j'estime que la promesse de fidélité nous engage plus, nous, hommes, qu'une jeune fille ignorante. Élisabeth était la vertu même, et je lui devais la même fidélité qu'elle m'a gardée. J'ai manqué à ma parole. J'ai succombé à une tentation trop forte, avec peut-être une excuse, celle de l'animal qui est en nous. J'ai entraîné Sylvie dans ma faute, et elle m'en veut, si elle allait m'abandonner. Tiens, je ne puis supporter cette idée. Écoute, mon parti est pris. Je vais fuir les premiers éclats de sa colère et m'éloigner pendant quelque temps. Je me confesserai à elle par un mot que je lui laisserai. Elle aura pitié de mon repentir, et quand je reviendrai, si je reviens. Le docteur réfléchissait. La situation était grave. Il fallait en finir et l'empêcher de se porter à des extrémités dangereuses. Il eut une inspiration de génie et joua le tout pour le tout. « Oui, je te comprends, dit-il, et ton cas m'est connu. Je vais te guérir. Tu seras ma première et ma dernière cure, mais celle-ci en vaudra mille. Tu aimes Sylvie et tu n'as pas tort. Mais tu es un vieux crétin d'honnête homme et tu ne veux pas manquer la fidélité jurée parce que tu te figures... qu'Élisabeth n'a jamais... Oui, oui, c'est cela. Et si Élisabeth avait, elle, rompu le contrat ? Ah, dame ! Malheureusement, Élisabeth, nous l'avons dit, était la vertu même. Et jamais, au grand jamais. En es-tu bien sûr ? Trop sûr, hélas. Eh bien, mon ami, tu es dans l'erreur. Cette pauvre Élisabeth, la paix soit son âme, t'a trompé abondamment. Oh, tu dis ça pour me faire plaisir ? Je te le jure, non. Ma parole sacrée. Pas possible. Tout ce qu'il y a de plus possible. Depuis quand ? Depuis toujours. 6 mois après ton mariage. Et vous ne m'avez pas prévenu ? Étais-tu heureux ? Oui. Ça valait donc mieux. Et ça se passait tous les vendredis. Avec qui ? Qu'est-ce que ça te fait à présent ? J'aimerais savoir, pour être sûr. Avec un militaire. Mais je ne connais pas de militaire. On en connaît toujours un, pour ça. Son nom ? Je t'en ai dit assez. Je n'irai pas plus loin. Ce qu'il te faut, c'est savoir que tu étais trompé, peu importe avec qui. Comment le sais-tu, toi ? Par lui-même. Il faut que ce soit un rude mufle pour t'avoir raconté une femme du monde. Mettons que c'est un mufle et n'en parlons plus. Es-tu content ? Je le suis, sans l'être, tout en l'étant, car je puis aimer Sylvie sans remords. Tu vois bien que tu l'aimes, comme un fou. Eh bien, va la retrouver et fais des folies. Et les deux amis se donnèrent la collade. Au fond, Milbourg avait gardé contre son copain une certaine rancune de la partie d'échec et du geste subséquent. Cet aveu, même anonyme et platonique, le soulagea, en même temps qu'il sauvait Pépin du désespoir.